Chapitre XIII du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1. Fantine, livre premier, injuste. Chapitre XIII. Ce qu'il croyait. Au point de vue de l'orthodoxie, nous n'avons point à sonder M. l'évêque de Digne. Devant une telle âme, nous ne nous sentons en humeur que de respect. La conscience du juste doit être crue sur parole. D'ailleurs, de certaines natures étant données, nous admettons le développement possible de toutes les beautés de la vertu humaine dans une croyance différente de la nôtre. Que pensait-il de ce dogme-ci ou de ce mystère-là? Des secrets du for intérieur ne sont connus que de la tombe où les âmes entrent nues. Ce dont nous sommes certains, c'est que jamais les difficultés de foi ne se résolvaient pour lui en hypocrisie. Aucune pourriture n'est possible au diamant. Il croyait le plus qu'il pouvait. « Credo in patrem », s'écriait-il souvent. Puisant d'ailleurs dans les bonnes œuvres cette quantité de satisfaction qui suffit à la conscience et qui vous dit tout bas « Tu es avec Dieu ». Ce que nous croyons devoir noter, c'est que, en dehors, pour ainsi dire, et au-delà de sa foi, l'évêque avait un excès d'amour. C'est par là, quia multum amavit, qu'il était jugé vulnérable par les hommes sérieux, les personnes graves et les gens raisonnables. Locution favorite de notre triste monde où l'égoïsme reçoit le mot d'ordre du pédantisme. Qu'était-ce que cet excès d'amour? C'était une bienveillance sereine, débordant les hommes, comme nous l'avons indiqué déjà, et dans l'occasion, s'étendant jusqu'aux choses. Il vivait sans dédain. Il était indulgent pour la création de Dieu. Tout homme, même le meilleur, a en lui une dureté irréfléchie qu'il tient en réserve pour l'animal. L'évêque de Digne n'avait point cette dureté-là, particulière à beaucoup de prêtres pourtant. Il n'allait pas jusqu'au brahmine, mais il semblait avoir médité cette parole de l'Ecclésiaste. Sait-on où va l'âme des animaux ? Les laideurs de l'aspect, les difformités de l'instinct ne le troublaient pas et ne l'indignaient pas. Il en était ému, presque attendri. Il semblait que, pensif, il en allât chercher, au-delà de la vie apparente, la cause, l'explication ou l'excuse. Il semblait par moments demander à Dieu commutation. Il examinait sans colère et avec l'œil du linguiste qui déchiffre un palimpseste la quantité de chaos qui est encore dans la nature. Cette rêverie faisait parfois sortir de lui des mots étranges. Un matin, il était dans son jardin, il se croyait seul, mais sa sœur marchait derrière lui sans qu'il la vît. Tout à coup, il s'arrêta et il regarda quelque chose à terre. C'était une grosse araignée, noir, velu, horrible. Sa sœur l'entendit qui disait « Pauvre bête, ce n'est pas sa faute. Pourquoi ne pas dire ces enfantillages presque divins de la bonté ? Puérilité, soit, mais ces puérilités sublimes ont été celles de saint François d'Assise et de Marc Aurèle. Un jour, il se donna une entorse pour n'avoir pas voulu écraser une fourmi. Ainsi vivait cet homme juste. Quelquefois, il s'endormait dans son jardin, et alors il n'était rien de plus vénérable. Monseigneur Bienvenu avait été jadis, à en croire les récits sur sa jeunesse, et même sur sa virilité, un homme passionné, peut-être violent. Sa mansuétude universelle était moins un instinct de nature que le résultat d'une grande conviction filtrée dans son cœur à travers la vie et lentement tombée en lui, pensée à pensée. Car, dans un caractère comme dans un rocher, il peut y avoir des trous de gouttes d'eau. Ces creusements là sont ineffaçables. Ces formations là sont indestructibles. En 1815, nous croyons l'avoir dit, il atteignit 75 ans, mais il n'en paraissait pas avoir plus de 60. Il n'était pas grand. Il avait quelque embonpoint, et pour le combattre, il faisait volontiers de longues marches à pied. Il avait le pas ferme et n'était que fort peu courbé. Détail d'où nous ne prétendons rien conclure. Grégoire XVI, à 80 ans, se tenait droit et souriant, ce qui ne l'empêchait pas d'être un mauvais évêque. Monseigneur Bienvenu avait ce que le peuple appelle une belle tête, mais si aimable qu'on oubliait qu'elle était belle. Quand il causait avec cette santé enfantine, qui était une de ses grâces et dont nous avons déjà parlé, on se sentait à l'aise près de lui. Il semblait que de toute sa personne, il sortît de la joie. Son teint coloré et frais, toutes ses dents bien blanches qu'il avait conservées et que son rire faisait voir, lui donnaient cet air ouvert et facile qui fait dire d'un homme « c'est un bon enfant » et d'un vieillard « c'est un bon homme ». C'était, on s'en souvient, l'effet qu'il avait fait à Napoléon. Au premier abord, et pour qui le voyait pour la première fois, ce n'était guère qu'un bonhomme en effet. Mais si l'on restait quelques heures près de lui, et pour peu qu'on le vît pensif, le bonhomme se transfigurait peu à peu et prenait je ne sais quoi d'imposant. Son front large et sérieux, auguste par les cheveux blancs, devenait auguste aussi par la méditation. La majesté se dégageait de cette bonté sans que la bonté cessât de rayonner. On éprouvait quelque chose de l'émotion qu'on aurait si l'on voyait un ange souriant ouvrir lentement ses ailes sans cesser de sourire. Le respect, un respect inexprimable, vous pénétrait par degrés et vous montait au cœur. Et l'on sentait qu'on avait devant soi une de ces âmes fortes, éprouvées et indulgentes, où la pensée est si grande qu'elle ne peut plus être que douce. Comme on l'a vu, la prière, la célébration des offices religieux, l'aumône, la consolation aux affligés, la culture d'un coin de terre, la fraternité, la frugalité, l'hospitalité, le renoncement, la confiance, l'étude, le travail, remplissaient chacune des journées de sa vie. Remplissaient est bien le mot, et certes cette journée de l'évêque était bien pleine jusqu'au bord de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. Cependant, elle n'était pas complète si le temps froid ou pluvieux l'empêchait d'aller passer, le soir, quand les deux femmes s'étaient retirées, une heure ou deux dans son jardin avant de s'endormir. Il semblait que ce fût une sorte de rite pour lui de se préparer au sommeil par la méditation en présence des grands spectacles du ciel nocturne. Quelquefois, à une heure même assez avancée de la nuit, si les deux vieilles filles ne dormaient pas, elle l'entendait marcher lentement dans les allées. Il était là, seul avec lui-même, recueilli, paisible, adorant, comparant la sérénité de son cœur à la sérénité de l'éther, ému dans les ténèbres par les splendeurs visibles des constellations et les splendeurs invisibles de Dieu, ouvrant son âme aux pensées qui tombent de l'inconnu. Dans ces moments-là, offrant son cœur à l'heure où les fleurs nocturnes offrent leurs parfums, allumé comme une lampe au centre de la nuit étoilée, se répandant en extase au milieu du rayonnement universel de la création, il n'eût pu peut-être dire lui-même ce qui se passait dans son esprit. Il sentait quelque chose s'envoler hors de lui et quelque chose descendre en lui. Mystérieux échange des gouffres de l'âme avec les gouffres de l'univers. Il songeait à la grandeur et à la présence de Dieu, à l'éternité future, étrange mystère. À l'éternité passée, mystère plus étrange encore. À tous les infinis qui s'enfonçaient sous ses yeux dans tous les sens. et sans chercher à comprendre l'incompréhensible, il le regardait. Il n'étudiait pas Dieu, il s'en éblouissait. Il considérait ces magnifiques rencontres des atomes qui donnent des aspects à la matière, révèlent les forces en les constatant, créent les individualités dans l'unité, les proportions dans l'étendue, l'innombrable dans l'infini, et par la lumière produisent la beauté. Ces rencontres se nouent et se dénouent sans cesse. De là la vie et la mort. Il s'asseyait sur un banc de bois adossé à une treille décrépite, et il regardait les astres à travers les silhouettes chétives et rachitiques de ces arbres fruitiers. Ce quart d'arpent, si pauvrement planté, si encombré de masures et de hangars, lui était cher et lui suffisait. Que fallait-il de plus à ce vieillard qui partageait le loisir de sa vie, où il y avait si peu de loisirs, entre le jardinage le jour et la contemplation la nuit? Cet étroit enclos, ayant les cieux pour plafond, n'était-ce pas assez pour pouvoir adorer Dieu tour à tour dans ses œuvres les plus charmantes et dans ses œuvres les plus sublimes? N'est-ce pas là tout, en effet, et que désirer au-delà? Un petit jardin pour se promener et l'immensité pour rêver. À ses pieds, ce qu'on peut cultiver et cueillir. Sur sa tête, ce qu'on peut étudier et méditer. Quelques fleurs sur la terre et toutes les étoiles dans le ciel. Fin du chapitre 13. Ce qu'il croyait.